Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une grâce de se trouver ensemble, de louer notre Dieu, de célébrer et aussi d'écouter sa parole. Avant de parler du message, je voudrais vous transmettre les salutations de nos frères de Koudougou. Le frère Issouf et Daniel m'ont appelé et ils ont dit de saluer toute la communauté. Il y a aussi Berthe et Bailou qui ont appelé de Tougan, dit de vous saluer tous. Et le frère Ibrahim qui a appelé aussi de Broum Broum, qui a dit de vous saluer tous. Et ils ont tous demandé de penser à eux dans la prière. Daniel a pris du temps avant d'appeler. Et quand je lui ai demandé, il dit quand il est arrivé là-bas, c'était vraiment chaud. Il n'avait pas le temps de 7h à 14h et de 15h à presque 19h, 20h. Donc c'était un programme de 3 semaines chargé qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Bon, Issouf a eu un problème de logement. Bon, donc tout semble rentrer dans l'ordre. Continuons à prier pour ses frères qui sont loin. Et le souci, c'est souvent de demander est-ce que vous arrivez, vous êtes joint à une communauté et que vous arrivez à suivre correctement. Je dis gloire à Dieu parce que au niveau de Koudougou, ils sont avec des collègues que je connais, un de l'Alliance, un de l'Église Baptiste. Bon, celui qui est à Broum Broum, lui aussi, il est avec l'Église de mes collègues qui font la traduction aussi en Lobili. Donc, je me dis que chacun retrouve son camp. Au niveau de Tougan, ils sont avec l'Alliance et l'autre est avec les AD. Tous ces pasteurs, on se connaît. Donc, je dis vraiment merci à Dieu pour ses frères qui s'éloignent, mais qui aussi ne se sentent pas perdus parce qu'ils se retrouvent toujours dans des milieux où ils ont, les responsables ont, des connaissances, ont une certaine connaissance avec ma personne et cela aide beaucoup. Ce matin, je voudrais que nous regardions un texte dans Matthieu au chapitre 14. Et j'ai poser une question comme thème de ce texte-là. Quel obstacle te séparera de Jésus? Quel obstacle? Quand nous regardons à notre vie quotidienne et à toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des fois, des moments qui arrivent où on se pose des questions. C'est vrai, il est facile pour nous de parler et de lire ce que Paul dit. Si je vais dans Romains 8, le verset 35, voici ce que Paul dit. C'est facile à lire, c'est facile à dire. Mais ma question, est-ce que c'est facile à vivre? Romains 8, je vais demander à quelqu'un qui a la version en français courant de lire cela pour qu'on comprenne mieux. Romains 8, le verset 35. Quelqu'un l'a trouvé? 35, voilà. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le pétel, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. Amen. Voilà, c'est facile à lire, n'est-ce pas? Répondez-moi. Facile à lire, est-ce que c'est facile à vivre? Si on se trouve devant l'épée, et puis on vous dit, faites le choix, on dit quoi? La faim, bon, ça, je crois qu'on peut tenir. Mais quand on est devant des persécutions, qu'est-ce qu'on peut dire? Or, vous voyez, quotidiennement, nous sommes confrontés à des obstacles de toutes sortes autour de nous. Et facilement, on peut oublier cet attachement, on peut même s'en défaire pour se trouver dans la paix. Vous êtes devant un cas de corruption où on donne à tout le monde et on dit de ne pas parler. Pourtant, vous-même, vous savez que ce n'est pas correct. Bon, c'est un avantage que les gens prennent. Chrétien, est-ce que vous allez vous rappeler de votre nature de chrétien dit que je ne suis pas d'accord, que je ne veux pas, au risque d'être menacé parce qu'on dit, ah, s'il refuse, il va nous dénoncer. Vous faites comment? Ça, c'est une menace qui est là. Si on ne vous en a pas parlé, Bon, ils se sont retrouvés pour partager, vous n'êtes pas au courant, vous êtes tranquille. Mais si on vous met devant les faits, on dit, ah, le patron, il ne faut pas qu'il sache. Voilà. Chacun va prendre et fermer la bouche. Vous êtes là parce que celui qui va dire, ça risque d'être un problème pour nous tous. Vous dites que vous ne voulez pas, on vous dit quelle est la garantie que vous n'allez pas en parler et que vous n'allez pas nous dénoncer. Vous faites comment? Vous êtes dans une menace. Et sous une menace, on fait comment? Donc vous voyez, ce n'est souvent pas facile. Ou vous êtes dans une situation où tout le monde s'est fâché, on a dit non, on ne fait pas le devoir là. On ne fait pas. Voilà. Vous, en bon enfant de Dieu, vous vous êtes préparé, vous avez appris votre leçon. Et puis les autres disent, on ne fait pas. Voilà. On préfère tout savoir zéro. Et le professeur arrive, il dit, bon, remplissez et puis mettez vos noms. Et puis vous me donnez les copies. De toute façon, si vous ne faites pas le devoir, c'est zéro pour tout le monde. Vous faites quoi? Voilà un problème qui est posé. On fait? Et puis les gars vous attendent dehors. Bon. C'est un cas difficile quand même. Vous avez appris. Et vous savez que la majorité de ceux qui n'ont pas appris sont ceux qui sont en train de pousser les choses. On fait comment? Donc on peut se trouver dans plusieurs difficultés, des obstacles. Mais très facilement, on oublie notre caractère, notre identité et on se dit, vaut mieux ne pas chercher des histoires, allons dans la même direction que tout le monde et puis c'est fini. C'est ça, non? Ça semble être la meilleure solution, non? Mais est-ce que cette solution, quand on l'adopte, vous avez adopté la solution convenable à votre identité de chrétien? Je dis non, il y a un problème. Et vous savez, il ne faut pas se laisser souvent influencer par le nombre, parce que la vérité n'est pas toujours dans le grand nombre. La parole de Dieu nous donne des exemples, et même humainement, on se rend compte que la vérité n'est pas toujours du côté du grand nombre. Non. La vérité de Dieu ne se situe pas toujours du côté du grand nombre. Nous allons lire Matthieu au chapitre 14. Le passage est assez long, mais la première partie, nous allons lire jusqu'au verset 21, 13 à 21, et dans la deuxième partie, de 22 au verset 34. Ce que je pourrais vous dire en introduction est que cette portion de Matthieu se trouve dans la partie qui est considérée comme la troisième partie du ministère de Jésus. On a découpé et on considère que la troisième partie de son ministère commence avec le chapitre 13 et s'arrête au niveau du chapitre 17. Et avant la lecture de ce texte, ce qui est dit avant le verset 13, nous voyons que Jean-Baptiste a été décapité, n'est-ce pas? Il y avait bien un lien entre Jean-Baptiste et Jésus. C'était qui? C'était son cousin, c'est ça? Donc, on voit Jésus, il est endeuillé. Et nous voyons le début. En fait, après cela, voilà ce qui se passe. Je crois que humainement, quelle que soit votre nature, c'est quelque chose qui va vous choquer. Et si vous lisez les versets avant, vous voyez que ce n'est pas que Jean-Baptiste avait tort. C'est à cause du fait qu'il a dit la vérité, qu'il a condamné quelque chose qui n'était pas convenable. Et une intrigue a été montée pour le faire taire et on l'a décapité. Donc, je voudrais que quelqu'un lise dans la version française courant le verset 13 jusqu'au verset 20. Matthieu 14. Voilà. Quand Jésus a entendu cette nouvelle, il partit de là en bas pour se rendre seul dans un endroit isolé. Mais la foule s'apprit à sortir des localités voisines et suivit Jésus en marchant au bord du bois. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Il eut le cœur rempli de pitié pour ses gens et il se mit à guérir leurs malades. Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s'approchaient. 21, ceux qui avaient mangé. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Merci. En regardant cette petite portion, nous voyons dans un premier temps Jésus qui, comme à son habitude, parce que quand vous lisez les évangiles, vous voyez que très souvent, il préférait se retirer à l'écart. Et ici, il est dit qu'il s'est retiré à l'écart. Pour quelle raison avait-il l'habitude de le faire? Nous qui avons l'habitude de lire la Bible, je crois qu'on peut comprendre facilement les raisons. Oui? Oui, lui dit que c'est pour prier, oui. Prier, ça c'est quand même assez gros comme mot. C'est général. Mais derrière, qu'est-ce que vous voyez? Oui? Un bilan, oui. Et puisqu'il... Oui? S'entretenir de façon directe avec son père. Tout ce que vous avez dit, lui, il a parlé en financier. Un bilan. Quand on fait un bilan, on regarde ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Bon, et puis on projette. Et c'est comme ça que le Seigneur se comportait. Il se retirait dans un endroit où il pouvait être dans le calme pour communiquer avec son père sur probablement ce qu'il vient de faire et aussi se préparer pour la suite. Et nous voyons que c'est juste au moment où il s'était retiré que la foule, ayant entendu, est allée vers lui. Et je crois que si on dit qu'ils sont allés vers lui, nous savons tous qu'ils sont allés à pied, n'est-ce pas? C'est ça? Et c'était une foule assez importante. En lisant le titre, la multiplication des pains, on va dire que ça, il n'y a pas de difficulté. Ça, c'est une grâce, c'est un miracle qui est arrivé. Mais je voudrais que nous considérions deux types de personnes ici. Le premier, c'est la foule. Et j'allais procéder par des questions. Est-ce que la foule avait des difficultés? À travers ce passage que nous avons lu, est-ce que la foule avait, est-ce qu'il y avait des obstacles devant la foule? Oui? Il y avait les maladies qui pouvaient être considérées comme obstacles, oui? Oui? La faim? Rappelez-vous qu'ils se sont déplacés à pied. Je ne crois pas que c'était des routes pavées. Jésus et ses disciples ont fait le trajet en barque, n'est-ce pas? On ne nous précise pas la distance. Mais ces gens ont marché, n'est-ce pas? Et comme je vous ai dit, ils ont fait le trajet à pied. Et c'est sûr que c'est dans la brousse ou en tout cas, et ça, on voit des contraintes, c'est ça? Vous aviez le temps. On ne nous précise pas à quel moment, mais nous savons quand même que quand on se déplace, on peut être sous la chaleur du soleil ou bien dans le froid. Vous voyez, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'obstacle. Ces gens se sont déplacés et il y avait des obstacles, mais ils ont surmonté ces obstacles pour aller à Jésus. Nancy a dit, un des obstacles, c'est la maladie. Et je voudrais que nous décomposions cet obstacle-là. Elle pouvait être une maladie physique ou une maladie... Elle pouvait être spirituelle. Pourquoi ces gens, parce que ce n'est pas eux tous qui étaient malades physiquement, mais pourquoi ces gens allaient vers Jésus? Est-ce qu'ils allaient tous vers Jésus pour une guérison physique? Oui? Oui? Parce que certainement, il y avait des gens qui souffraient des maladies, soit mentales, soit spirituelles, qui voulaient avoir un réconfort. Pas ça seulement, on peut ajouter autre chose. Ils savaient tous que c'était un grand enseignant. N'est-ce pas? C'est pas cela? Des gens ne dépensent pas des milliers de francs pour aller quelque part, pour aller écouter. s'instruire, ça fait partie. Dans cette foule, il y avait des gens qui voulaient encore écouter le maître parce qu'ils savaient que c'était l'enseignant par excellence. Ils voulaient avoir quelque chose. Et la plupart du temps, certains pouvaient être dans l'inquiétude. En l'écoutant, on retrouve encore cette quiétude, cette paix. Moi, je crois que c'est aujourd'hui, quand on parle des grands hommes de Dieu qui sont là, qui sont en train de faire telle ou telle chose, les gens courent pour des raisons diverses. Mais dans une de ces raisons qu'on peut qualifier, qu'on peut donner ou bien attribuer à ceux qui y vont, des gens vont écouter pour encore mieux comprendre. Parce qu'ils se disent, si c'est un homme de Dieu, il a quelque chose à nous apprendre. Donc je crois que des gens allaient vers lui et ce désir d'avoir la santé physique, la santé spirituelle, recevoir encore l'enseignement, leur donner assez de force pour aller et surmonter ces obstacles qui étaient devant eux. Ces obstacles n'étaient pas petits. Donc cette foule s'est retrouvée et dans quel état? Quand nous lisons le verset, il est dit que ému de compassion, Jésus était ému de compassion devant ces gens-là. À quel moment on est ému de compassion? Lorsqu'on regarde une personne, qu'est-ce qui peut mettre cette compassion en vous? Il y a, vous observez quelqu'un sort bien habillé, qui marche, puis vous le voyez, il passe le parfum, ainsi ses traces. Vous allez avoir de la compassion pour ce type-là? Je vous pose la question, vous pouvez avoir de la compassion pour lui? Non. Vous le regardez, il passe avec un esprit de suffisance. Lui, vous n'avez pas besoin de compassion pour lui. Mais ici, ces gens ont fait un trajet, n'est-ce pas? Il y a là fatigue qui se sent sur leur visage physique, n'est-ce pas? Ceux qui sont souffrants, oui, on les voit dans la douleur. Donc, vous voyez, tout cela a ému le Seigneur. Des gens dans le besoin. Et une chose, il est dit qu'il a guéri les malades. Donc, en fait, le premier aspect est que ceux qui étaient dans le besoin de la santé, ils l'ont reçu. On ne dit pas qu'il les a enseignés, mais je me dis que eux aussi, ils ont dû recevoir pour eux. De quelle façon les a-t-il guéris? Le texte reste mieux dessus. Toujours est-il que il y a eu des solutions. Ensuite, je vais au deuxième niveau, les disciples. Avec la présence de ces gens, il y a des problèmes qui vont surgir. Et eux, qui regardent le maître opérer tout ce travail, voient le problème. Quel est le problème qui se trouvait là? Ils signalent, eux, ils vont vers le maître pour le lui signaler. Oui? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué comme problème qui était là? Là? Oui? Il y avait le temps, il se faisait tard, ça c'est vrai. Ensuite, Moumouni a dit la fin. Il est dit que c'était un endroit désert. Parce que si c'est désert, ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu. Ils proposent même de les envoyer où? Dans les villages, les villes avoisinantes pour que ces gars puissent s'approvisionner. Voilà. Parce que là, il n'y a rien. Voilà les difficultés. Eux, ils viennent vers le Seigneur avec un problème, ils le posent. Voilà le problème. Ces gens, probablement, ont été guéris. Ils ont reçu. Mais nous sommes devant un problème. Il faut que ces gens mangent. Et puis, le lieu où nous sommes est assez désert. Il y a des difficultés. Il y a un petit dialogue qui suit. Et vous voyez, je peux dire qu'il y a encore un obstacle auquel ils sont confrontés. Ils posent le problème au Seigneur. Et qu'est-ce que leur maître leur dit? Donnez-leur à manger vous-même. Est-ce qu'ils avaient les ressources? N'avaient-ils pas de ressources? Je pose la question. Est-ce qu'ils n'avaient pas de ressources? Il n'y en avait pas du tout? Il y en avait, n'est-ce pas? C'est combien il est dit? 5 pains et combien de poissons? C'est combien de poissons? Bon, ça suffit à nourrir combien de personnes dans le foyer ici? Où est la dame de la cuisine là? Je ne connais pas la taille, je ne connais pas la taille des pains, ce n'est pas précisé, mais 5 pains et 2 poissons. Maria, je ne suis pas sûr que tu puisses nourrir tout le foyer. Hein? Ok. Il y avait des ressources, mais réellement très, très, très insuffisantes. Ça ne pouvait pas résoudre le problème. Il leur a dit, nourris, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont regardé ce qu'ils ont et ils ont fait savoir au Seigneur, nous n'avons que ça, 5 pains, 2 poissons. Je vous pose la question. Si ce n'est pas parce qu'on connaît Jésus, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Quelqu'un qui vous dit, donnez-leur vous-même à manger, qu'est-ce que vous allez penser de lui? C'est une épreuve, hein? Irresponsable. Ou peut-être pas normal. Je me rappelle de cette histoire quand j'étais au lycée. La première fois qu'on nous parlait d'un philosophe. Sixième, vous ne faites pas philosophie, n'est-ce pas? On a quitté l'école primaire et puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'établissements. Quitter Dédougou et puis se retrouver à Bobo au lycée au Grand Loc. Et le monsieur là, il était chauve, vieux, quand vous regardez sa tête. Et il était comme réellement un épouvantail pour tous ceux qui arrivaient en seconde. On l'appelait Monsieur Dinoguier. Et les élèves ont changé son nom. Et dit Dinero. C'est comme ça qu'il l'appelait. Et il était le premier toujours dans la salle des professeurs. Toujours avant l'heure. Et comme il était vieux, il marchait d'une manière. Franchement, quand vous le voyez partir, vous croyez qu'il va tomber tout de suite. Et nous, qui le regardons de loin, on ne l'a jamais vu causer avec quelqu'un. Donc, c'était déjà quelque chose qui. Bon. C'est pas comme les autres professeurs. Et puis, comme c'était un blanc, on le regardait bizarrement. Et les autres venaient et nous disaient que ce type-là, c'est un vrai fou. Et une vraie folie. Une situation est arrivée. Il avait son gardien et un visiteur est venu à cheval chez lui. Il a attaché son cheval devant la porte. Et il y avait un autre qui était là. Et qui avait garé sa moto Kamiko. Bon, ceux qui connaissent ces vieilleries là, on n'en trouve plus aujourd'hui. Et la corde du cheval, la corde avec laquelle on avait attaché le cheval étant longue, le cheval a dû faire un mouvement et puis la moto est tombée. Et les gens sont sortis. Lui, il est sorti justement avec le gardien et le propriétaire de la moto. Et le gardien s'apprêtait à soulever la moto quand il a dit non. De laisser la moto là, comme ça. Et il a commencé à parler. Et c'est le gardien qui rapportait la chose. Il dit, tiens, nous, on fait le fatal, le tiens là. Que cet homme-là, si on dit qu'il est fou, il est vraiment fou. Qu'il a refusé qu'on lève la moto, il a dit, c'est le cheval qui a fait tomber la moto, n'est-ce pas? Ça doit s'expliquer. Et de la même manière qu'il a fait tomber la moto, ça doit s'expliquer. Qu'il puisse relever la moto. Et le gardien dit, mais attisez Kaketa. Il dit au gardien de ne pas toucher. Imaginez un peu le désarroi des gens. Donc les gens sont sortis dans le quartier pour venir voir M. Dinoguier philosopher un peu. C'est sûr que les étudiants, les élèves avaient la version. Et quand on nous a dit cela, ça nous a encore réconforté que cet homme-là, il était un fou. Donc, c'est presque une même chose, quelque chose d'impossible. On ne peut pas imaginer que ça puisse se faire. Mais Jésus demande à ses disciples, donnez-les vous-même à manger. Voilà un obstacle qu'on ne peut pas surmonter humainement. Et là, nous avons affaire à deux choses. Une réalité qu'on voit avec les yeux et une vérité qui est cachée. Parce qu'en lisant la suite, qu'est-ce qu'on voit ? À la suite, est-ce qu'il n'y a pas eu de solution ? Il y a eu bel et bien une solution. Les cinq pains et les deux poissons ont été utilisés pour nourrir combien de personnes ? On a dit plus de 5000 hommes et on n'a pas compté les femmes, on n'a pas parlé d'enfants. Imaginez un peu, ça s'est fait. La réalité était là. C'est ce que les disciples pouvaient voir, sentir physiquement. Mais il y avait une vérité qui est cachée. C'est-à-dire l'omniscience, l'omnipotence de leur maître qui l'a mis en branle. Il leur a simplement dit quoi ? De s'asseoir, de les asseoir sur l'herbe et ensuite il a pris ce pain, cette petite quantité, cette quantité infime, très insuffisante. Il a prié, il leur a donné, ils ont partagé et les gens ont mangé. Ils en ont suffisamment mangé, il y a eu du reste. Mes frères, la première leçon que nous apprenons ici est laquelle ? Il peut avoir les obstacles, n'est-ce pas ? Mais, en outrepassant la réalité, qui peut se constater par nos organes de sens et en nous attachant à la vérité, celle qui est de notre Seigneur, on peut surmonter ces obstacles-là. Ces malades qui ont fait ce trajet en allant, qui leur disait qu'ils avaient une garantie qu'ils allaient être guéris? Parce que Jésus n'était pas un médecin, à ce que je sache. En leur temps, en son temps, il y avait des médecins aussi, qui soignaient les gens de façon physique ou autre. Ils savaient qu'ils n'étaient pas un médecin. Non, ils le savaient. Mais ils sont allés en nombre. Ils ont marché, supporté la faim, se retrouver devant lui pour avoir cette vérité qui n'était pas visible. C'est-à-dire la paix physique, la paix spirituelle et même une certaine satisfaction pour ceux qui voulaient apprendre. Ils l'ont eu. Les disciples, eux qui étaient avec leur maître tous les jours. Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'ils le connaissaient suffisamment? Parce que s'ils le connaissaient suffisamment, est-ce qu'ils allaient poser ce problème? Et être offusqués. Le texte ne nous dit pas qu'ils ont dit au maître, « Toi, tu peux. » Si c'était quelque chose qu'ils connaissaient, ils allaient dire, « Ah, Seigneur, comme toi-même tu peux, faut faire. » Ils n'allaient même pas s'inquiéter pour cela. Mais vous voyez, eux aussi, dans leur marche avec leur maître, étaient en train de le découvrir. Oui, tout au long de l'évangile, du début où il les a appelés, jusqu'à ce qu'ils quittent, et même qu'ils soient enlevés, ses disciples continuaient à apprendre qui était leur maître. Mais vous voyez, je crois qu'à travers tout cela, même s'ils faisaient des remarques quelquefois, ils les reprenaient quelquefois pour leur manque de foi, il a toujours continué à les garder, il a toujours continué à les soutenir. Pour quelle raison ? Parce qu'ils connaissaient leur niveau de compréhension, ils connaissaient leur humanité, ils connaissaient leurs limites. Cette leçon, je crois qu'elle est pour nous, vous et moi aujourd'hui. Nous, des circonstances qui sont dans la réalité, nous pouvons nous trouver devant ces difficultés-là. Voilà la réalité. Mais qu'est-ce qui est derrière cette réalité qu'on ne voit pas ? Cette vérité de notre Dieu, qui ne demande qu'une seule chose. Lorsque les disciples sont venus vers lui, quand ils ont dit qu'ils avaient cinq miches et deux poissons, Il leur a dit quoi? D'amener. S'ils n'avaient pas amené, est-ce que la suite allait se passer? Non. Ils ont obéi. Ils l'ont écouté et lui ont obéi et ils ont mis en pratique ce qu'il leur a demandé de faire. Et la vérité est sortie au bout. Je vous pose la question. Nous, nous pouvons souvent bénéficier de cette vérité, mais notre blocage est que nous n'écoutons pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si nous n'avons pas écouté, comment est-ce que nous allons mettre en pratique par l'obéissance de ce que nous avons entendu? Est-ce que notre Seigneur a changé? A-t-il changé? Jésus a-t-il changé? Le Jésus du temps du texte et le Jésus d'aujourd'hui a-t-il changé? Non. La parole de Dieu nous dit quoi? Qu'il n'y a pas d'homme de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces malades qui ont été guéris par Jésus, aujourd'hui, des malades, on prie pour des malades, ils sont également guéris, n'est-ce pas? Cette multiplication de pain, même si ce n'est pas du pain, aujourd'hui, des gens peuvent se trouver dans un manque de besoin. Ils prient et qu'est-ce que Dieu fait? Il pourvoit. Quelle que soit la nature de ce dont vous avez besoin. C'est sa parole qui dit que l'or et l'argent lui appartiennent, n'est-ce pas? S'il est le propriétaire de l'or et de l'argent, comment est-ce que vous, en l'écoutant, vous lui demandez, ne va-t-il pas répondre? Mais un des obstacles majeurs de ce qui fait que nous n'arrivons pas à bénéficier de tout cela, c'est parce que nous ne sommes pas obéissants et nous ne sommes pas prêts à écouter. L'obéissance et l'écoute, nous devons l'avoir. Est-ce que nous écoutons sa parole? Est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous la prenons au sérieux? N'est-ce pas facile pour nous de faire souvent des lectures sélectives? On est dans un besoin, on prend la parole de Dieu, voilà, ce verset-là dit, voilà, et puis on lit pour dire, Seigneur, c'est toi-même qui as dit, hein? Où est votre foi? Parce que je crois, pour qu'on puisse atteindre cette vérité, il faut avoir cette foi, cette assurance. Quand bien même on ne voit pas, on ne touche pas, mais on dit c'est là. De foi, nous ne sommes pas prêts à passer par la douleur. Nous qui avons vécu dans la campagne et à des moments où tout le monde n'avait pas de bonnes paires de chaussures. Aujourd'hui, ceux qui vont en campagne, si vous demandez à Moumouni, eux qui vont souvent avec ces gens-là, les gens ont des bottes, n'est-ce pas? C'est assez solide en bas, non? Les épines et autres, on piétine, on continue. Bon, ça c'est aujourd'hui. Quand j'étais encore un enfant, on n'avait pas suffisamment ces choses-là. Donc presque tout le monde, c'était pieds nus. Vous courez, l'épine vous pique. Quand ça vous pique, pour avoir la paix, qu'est-ce qu'il faut faire? Ali, on a déjà levé chez toi des épines, non? Ok, ça ne fait pas mal? Ça ne fait pas mal? Souvent, si vous avez même laissé le lendemain, c'est gonflé. Ça fait mal, il y a même du pu. Mais je vous pose la question. Si on ne traverse pas, si vous ne supportez pas cette douleur-là, est-ce que la douleur va finir définitivement? Parce qu'il faut que vous supportez au moment où on pique pour enlever cette épine-là, n'est-ce pas? Ok. Ensuite, même quand on a enlevé, ça continue à faire mal. Et ensuite, c'est fini. Mais si vous refusez de supporter la première douleur, qu'est-ce qui va se passer? L'épine reste et la douleur ne fait que s'augmenter une infection. Les obstacles... On désinfecte aussi. Lui, voilà. Le biochimiste a dit ça. Mais la douleur est toujours là. La douleur n'est plus partie. Tu peux désinfecter, mais la douleur est là. La douleur va s'agrandir encore. Puisque si on met le feu, ça va encore être pire. Mais voyez, si vous demeurez devant l'obstacle, sans rien faire, sans surpasser cela, l'obstacle ne fera que grandir. Et la raison est la suivante. Votre attention est sur l'obstacle, mais vous oubliez celui qui est au-dessus de l'obstacle. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé quoi? Le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'est pas au-dessus de ce qu'il a créé? Il est au-dessus. Donc, la vérité, c'est de lever les yeux, de ne plus regarder à l'obstacle qui est devant nous, mais de regarder au Créateur, celui qui a créé tout et cet obstacle. Et la vérité est là-bas. Nous en avons besoin, surtout dans ces moments souvent difficiles, avec toutes ces rumeurs que nous entendons, avec toutes ces informations autour de nous qui effraient. On vient vous dire, ah, voilà ce qui s'est passé, voilà. Bon, vous n'avez pas de preuves, mais comme tout le monde a peur, chacun a pris son argent et est en train de partir à la maison. Vous dites, ah, la meilleure solution, c'est que moi aussi je rentre chez moi. C'est pas cela? Et vous rentrez, après on vous demande qui vous a dit de partir, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez des preuves? Vous dites, l'histoire des preuves, là, on ne peut plus attendre aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de garantie. Vous avez vu? Pendant ce temps, ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Mes frères et mes sœurs, oui, quel obstacle doit nous séparer de Jésus? Je pense que nous devons faire comme l'apôtre Paul. Nous ne devons pas laisser quelque chose nous séparer de lui. Et pour cela, il faut que nous puissions distinguer la réalité de la vérité. La réalité est ce qui peut nous effrayer, parce que capté par nos organes de sens, et à cause de notre limitation, à cause de nos raisonnements en tant qu'humains, nous ne pouvons qu'avoir peur. Mais la vérité est ailleurs et elle est invisible. Et cette vérité, nous pouvons la capter à travers cette foi et surtout en regardant à celui qui est au-dessus de cette réalité. Notre Dieu qui est tout-puissant, notre Dieu pour qui rien n'est caché. Cette insuffisance de moyens pour nourrir cette foule, Jésus la connaissait. Mais parce qu'il pouvait s'appuyer sur ce peu de ressources, il n'a pas fait autre chose, il a pris ce peu de ressources qu'il a encore multiplié pour donner et trouver une solution. Ces hommes et ces femmes venus à lui dans un état de fatigue, il a encore montré qu'il était celui qui apportait la solution et apportait la guérison. Ne vaut-il pas mieux pour nous, à tout moment, de nous attacher à lui et surtout d'avoir les yeux fixés sur lui et sur lui seul? Il est nécessaire que nous puissions le faire en tant que ses enfants. Je voudrais que nous prions pour nous-mêmes, chacun pour lui-même, pour demander à Dieu cette grâce-là. Qu'à tout moment, nous puissions lever nos yeux pour regarder à cette vérité. Notre Dieu qui est au-dessus de tout, qui gère tout et qui peut tout. Que chacun prie pour lui-même. Prions. Père, nous voulons te dire merci, te bénissons. Nous te louons pour ta grâce, te louons pour ton amour, te louons pour ta fidélité. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais encore, pour tout ce que tu feras. Parce que, Seigneur, tu vas continuer à nous bénir. Ce que tu nous demandes, c'est simplement lever nos yeux de la réalité qui peut nous effrayer, qui peut nous limiter, qui peut nous empêcher de nous approcher de toi, qui peut mettre une coupure. Seigneur, nous voulons te demander cela. Aide-nous. Soutiens-nous, Seigneur. Merci de ce que tu vas le faire. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Nancy de prier, de dire merci à Dieu qui a entendu nos requêtes, qui sait que nous allons effectivement besoin de cette grâce-là. Seigneur Dieu, nous sommes reconnaissants de ton amour pour nous. Tu es le maître de l'univers, le grand Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui a créé les cieux, la terre, les montagnes et la mer. Nous savons que tu es capable de tout. au Seigneur. Et nous savons également que lorsque nous demandons, tu interviens pour nous secourir. Et que ce secours dépasse notre entendement. Oui, Seigneur. Mais parfois, Seigneur, au lieu de voir ton secours, nous sommes éduits par l'obstacle devant nous. Oui, Seigneur. Et nous prions que Seigneur, tu nous donnes d'élever les yeux vers toi, au lieu de garder les yeux fixés sur l'obstacle. Oui, Seigneur. Et d'attendre, Seigneur, ton secours, même si ça nous paraît bizarre, incompréhensible, que Seigneur, nous comptons sur toi et non sur nos propres yeux. Oui, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous la sagesse. Donne-nous encore plus de sagesse, afin que nous puissions discerner la manière que tu utilises pour nous dépanner. Donne-nous une foi de fer. Oui, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous nous accrochons à toi et non à d'autres ressources. Oui, Seigneur. Et donne-nous surtout la reconnaissance. Parce que, Seigneur, nous ne sommes jamais sans aide, parce que tu es toujours à nos côtés pour nous aider. Oui, Seigneur. Que, Seigneur, tu exauces nos prières de ce matin et que tu nous donnes la sagesse de prier toujours dans cette façon, afin que, Seigneur, nos prières soient acceptables. Amen. Bien. Avant d'arrêter cette partie, je voudrais partager des sujets pour que nous prions pour ces sujets et à la maison,